L'islamisme, d'après le Coran par Monsieur Garcin de Tassy. Chapitre 16. Des infidèles. Ô Arabes, vous êtes le peuple le plus excellent de l'univers. Vous commandez l'équité, vous défendez le crime, vous croyez en Dieu. Si les Juifs et les chrétiens embrassaient votre foi, ils auraient un sort plus heureux. Quelques-uns d'entre eux croient, mais le plus grand nombre est perverti, 305. La plupart des hommes ne croient point en Dieu sans mêler à son culte celui des idoles, 1206. Les chrétiens appellent Seigneur leur pontife, leur moine, et le Messie, fils de Marie, et il leur est commandé de servir un seul Dieu, 931. Quelques-uns d'entre eux corrompent le sens des Écritures, et veulent vous faire croire que c'est le véritable. Ils vous disent que c'est la parole de Dieu, et ce n'est point la parole de Dieu. Ils prêtent un mensonge au Très-Haut, et ils le savent, 372. Dieu ne vous commande pas de rendre un culte aux anges et aux prophètes, vous ordonnerait-il l'impiété, à vous qui avez la foi, 374. Nous opposerons la vérité au mensonge, et elle le fera disparaître, 21-18. Dis aux Juifs et aux chrétiens, vous n'êtes appuyés sur aucun fondement, tant que vous n'observerez pas le Pentateuque, l'Évangile et les commandements de Dieu, 7-73. Les Juifs incrédules ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie. Malheur à leurs œuvres. Vous les voyez courir en foule dans le parti des infidèles. Dieu, dans sa colère, les précipitera pour toujours dans l'horreur des tourments, 5:83-84. L'opprobre entassé sur les têtes des Juifs les suivra partout. Dieu a imprimé sur leur front le sceau de sa colère. La pauvreté s'est appesantie sur eux, parce qu'ils ont refusé de croire aux prodiges divins, qu'ils ont injustement mis à mort les prophètes, et qu'ils sont rebelles et prévaricateurs, 307. Nous avons retiré nos grâces des Juifs, parce qu'ils ont été perfides, et qu'ils écartent leurs semblables des voies du salut. Ils ont exercé l'usure, qui leur avait été défendue, et consumé injustement l'héritage d'autrui, 458. Auront-ils leur part dans le royaume céleste, eux qui regretteraient une obole donnée à leurs semblables, 456. Nous avons préparé des châtiments terribles à ceux d'entre eux qui sont infidèles, mais les Juifs qui sont fermes dans la foi, qui font la prière et l'aumône, qui croient en Dieu et au jour dernier, recevront une récompense éclatante, 459-160. Nous avons reçu l'alliance des chrétiens, mais ils ont oublié une partie de nos commandements. Nous avons semé entre eux la discorde et la haine. Elles ne s'éteindront qu'au jour de la résurrection, 5:17. Ouvre ton cœur à la croyance de l'unité de Dieu, et refuse de l'encens aux idoles. N'invoque point des dieux chimériques, qui ne peuvent ni te servir, ni te nuire. Si tu violes ma défense, tu seras au nombre des réprouvés, 10, 102, 103. Que celui qui croit à l'Assemblée universelle ne partage point le culte qu'il doit à l'Éternel, 18, 110. Le Seigneur parle aux hommes en parabole pour les instruire. Il compare la doctrine de l'infidèle à un arbre mauvais dont les racines sont à fleur de terre, et qui n'a point de stabilité, 14, 31, 32. Les œuvres de l'infidèle ressemblent à la vapeur qui s'élève dans le désert, le voyageur altéré y court chercher de l'eau, et lorsqu'il s'en est approché, l'illusion a disparu, 24, 39. Le croyant qui, après être tombé dans l'infidélité, en est sorti pour s'y enfoncer plus profondément, n'a plus à espérer de pardon de la part de Dieu. Il ne l'éclairera plus. 4. 136. Le repentir est inutile pour ceux qui, vieillis dans le crime, disent aux portes du tombeau, « Je me repens », il est inutile pour ceux qui meurent dans l'infidélité. Nous leur avons préparé un tourment douloureux. 4, 22. À Dieu appartient l'empire de l'univers. Les dieux que vous adorez ne sauraient, dans leur puissance, disposer de la pellicule qui enveloppe le noyau de la date. Quand vous les invoquez, ils ne vous entendent pas, et quand ils vous entendraient, ils ne pourraient exaucer vos vœux. Au jour de la résurrection, ils nieront votre hommage. 35, 14, 15. Celui qui donne un égal à l'Éternel ne saurait justifier sa croyance. Il lui rendra compte de son impiété. Le bonheur ne sera point le partage des idolâtres. 23, 118. Leur avons-nous envoyé un livre divin, sur lequel ils puissent établir l'idolâtrie. 30, 34. Lorsqu'on les presse d'embrasser la religion que Dieu a envoyée du ciel, ils répondent, nous suivons le culte de nos pères. Le suivrait-il si Satan les appelait au feu de l'enfer? 31, 20. Peu leur importe que leur père n'ait une science ni lumière pour se conduire. 5, 104, 105. Si Dieu eût voulu, disent les idolâtres, nous et nos pères n'aurions adoré que lui, nous n'aurions interdit que ce qu'il a défendu. Tous les peuples ont eu des prophètes qui leur ont recommandé le culte de Dieu, et défendu celui des idoles. Les uns ouvrirent les yeux à la lumière, les autres restèrent dans l'aveuglement. Parcourez la terre, et voyez quelle fut la fin de ceux qui accusèrent nos apôtres d'imposture. 16, 37, 38. Donnez un égal au Très-Haut. C'est le comble de l'aveuglement. 4, 116. Celui qui ose se livrer à une pareille impiété n'entrera point dans le jardin des délices. Sa demeure sera le feu. 7, 77. Errant dans le vague du doute, les infidèles se jouent de notre doctrine. 44, 8. Soit que tu leur prêches ou non l'islamisme, ils persisteront dans leur aveuglement. Dieu a imprimé son sceau sur leur cœur, leurs oreilles et leurs yeux sont couverts d'un voile, et ils sont destinés à la rigueur des supplices. 2, 5, 6. Ils ne cesseront de douter qu'au moment où l'heure fatale les surprendra, et où ils verront les châtiments du jour terrible. 22, 54. Nous leur avons apporté la vérité, et ils persistent dans le mensonge. Dieu n'a point de fils, il ne partage point l'empire avec un autre Dieu. 23, 91. Le Seigneur ne pardonnera point aux idolâtres, il remet à son gré les crimes, mais l'idolâtrie est le plus grand des attentats. 4, 51. Les idolâtres seuls n'ont rien à espérer de sa miséricorde. 4, 116. Ils adorent des divinités dépourvues de puissance, qui ne peuvent leur ouvrir les trésors du ciel, ni ceux de la terre. 16, 75. Ils offrent à des êtres inconnus une partie des biens que nous leur avons dispensés. 16, 58. Ils rendent des honneurs divins à des idoles qui ne peuvent leur nuire, ni les secourir, et ils disent, voilà nos protecteurs auprès de Dieu. 10, 19. Ceux qui mettent leur appui dans les idoles ressemblent à l'araignée qui se construit un édifice fragile qu'un souffle détruit. 29, 40. Pourquoi adorez-vous donc des simulacres impuissants, dont vous ne pouvez attendre ni bien ni mal? Malheur avoué aux objets de votre culte. N'ouvrirez-vous point les yeux, 21, 69, 70. Est-il quelqu'un de vos dieux qui vous conduise à la vérité, 10, 36. Est-il quelqu'un de vos dieux qui puisse former une créature, et la faire reparaître devant lui, 10, 35. Vos dieux ne sont que de vains noms que vous avez inventés ou reçus de vos pères. Dieu seul a le pouvoir de juger. Il a commandé qu'on n'adora que lui. C'est la vraie religion, mais la plupart des hommes ne la connaissent pas. 12, 40. Si vous êtes infidèle, Dieu n'en sera pas moins le souverain des cieux et de la terre. Il est riche, et sa louange est en lui-même. L'univers est son domaine, 4, 130, 131. Dieu ne conduit point les infidèles, il a scellé leur cœur, leurs oreilles et leurs yeux. Ils sont ensevelis dans le sommeil de l'insouciance, leur réprobation est certaine, 18, 109, 110. Malheur aux idolâtres, malheur à ceux qui rejettent le précepte de l'aumône, et qui nie la vie future, 41, 5, 6. Nous donnerons aux infidèles l'enfer pour demeure. Leurs yeux furent couverts d'un voile, et leurs oreilles fermées à la vérité, 18, 100, 101. Que leur prospérité ne te séduise point. Leurs jouissances seront de courte durée, 3, 194. Lorsque le vaisseau les porte sur la mer, ils invoquent le Seigneur et lui montrent une foi sincère. À peine les avons-nous ramenés au port, qu'ils adorent de fausses divinités. C'est ainsi qu'ils paient d'ingratitude nos bienfaits signalés, 39, 65, 66. Anathème contre les idoles, 16, 2. Anathème contre les dieux chimériques, 16, 3. Markem d'Anarchivorg 2021 d'après Gallica BNF FR licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.